sondage de qui? De toi aujourd'hui. Un sondage de qui? Bonjour et bienvenue à ce potluck de Grosse Pointe Tendresse, volume 2, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, hey, c'est le fun, enfin de retour pour ce deuxième potluck. Ok, oui. On a eu un si grand succès en décembre quand on a fait notre première édition. Tout à fait. Tous les chroniqueurs de C'est Fou étaient présents et on a décidé de... Ça va être différent aujourd'hui. Non. Alors on a décidé de reproduire l'expérience une deuxième fois. Oui, dans une case horaire estivale d'après-midi où les gens sont apparemment un petit peu moins disponibles. Ouais, on sait pas ce qui se passe. Je sais pas trop, il y a beaucoup de peut-être et beaucoup de non, mais que voulez-vous, on va avoir du plaisir quand même. Et nous, on est là pareil, c'est okay? Ça. On va profiter des gens qui sont là. Hein? C'est ça. Par exemple, David Ferron, rédacteur en chef de Journal Zone Campus. Bonjour, David. Ben bonjour, vous deux. Ça va? Ben oui, vous deux. Absolument, ben oui. Absolument. On a aussi, en ce moment, dès le début de l'émission, Martin Lambert qui est dans notre public et il est tout seul dans le public en ce moment. Oui, c'est ça. Fais-nous, il y a un micro près de lui, moins, là, il peut au moins applaudir. Bonjour tout le monde. Ah, voilà. Salut, Martin Lambert dans le public et tantôt, on va envoyer David parler avec Martin. C'est ça, dans le public. Ça va être bien fun. Mais non, on a plein de gens qui devraient, peut-être... popper comme ça pendant l'émission. Ça va être des surprises. C'est comme... ploup! Arrivé. Comme un petit rat de... Comme un cheveu sur la soupe. C'est ça, comme un rat dans un restaurant chinois. Arc! Si on veut. Ah, oh, mais on les fera pas frire, eux. Non. On a aussi amené des produits. En tout cas, moi, j'en ai amené un bon 2-3 produits. Donc, on j'ai faire amené ça. Mon café. Cool. Oui, on peut goûter à des galettes de la chasse-galerie. On peut goûter à... C'est ça. Ah, j'ai amené aussi des cépacoles. Ah oui, ça, c'est pratique. Du bénilin aussi pour mon rhume. Tout à fait. Si jamais on veut goûter à ça, on a plein de produits. Je vais vous amener des produits tout à l'heure. Je vais aller aux petites machines distributrices. Puis je vais vous faire goûter des bonbons vieux de 20 ans. Des glosettes rétro. C'est ça, exact. Ça. Des petits bonbons avec le petit sucre dessus, là. Mm. Tu sais, quand je disais que David allait partir dans le public tantôt pour parler à notre merveilleux public, il est déjà parti là-bas en train de parler à notre beau public. David, sur le terrain, en direct, comment vas-tu? Bonjour, je suis dans le Green Room avec notre invité Martin Lambert. Je suis l'invité, le seul invité. Le seul invité jusqu'à présent. Mais non, le moindre. Il est tellement en plus excité de participer à ça, ça fait des mois qu'on en parle. Ben oui. Puis le Martin est là, puis là, ben. Parce qu'on doit rappeler aussi aux gens qu'à la première édition du Potluck, Martin nous avait amené, attention, des ailes de poulet. Oh, que oui. Et c'était vraiment très bon. Fait que là, c'est comme un mystère de savoir ce que Martin a amené. Ça veut dire que si vous êtes chroniqueur à quelque part et que vous avez été invité à l'émission d'aujourd'hui, il faut venir goûter à ce que Martin a à offrir. Oui, tout à fait. Hein? On a eu des belles surprises, mais on sait que ça sera sûrement pas sucré parce que Martin. Apprécie moins le sucré. C'est vrai? Ah, ok, c'était tellement une phrase connue qu'il pouvait juste compléter ta phrase comme si vous étiez un vieux couple marié. C'est ça. Exactement. Nous sommes un vieux couple, Mathieu, c'est parce que tu vois pas tout. C'est donc ça! Ah, c'est comme ça que tu tiens ton micro, David. Moi, je suis sucré, Martin, et... Salut! Donc, avant de faire notre première dégustation, on s'écoute une petite chanson, question de placer les affaires, espérer que les gens arrivent. Et puis, on écoute Bébé Soleil, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Ah oui, on va espérer que ça mette un petit peu de soleil. Absolument, voici Souliers de course, assemblage requis. Une grosse pointe en l'est! Jump. soleil avec souliers de course à Assemblage requis. David me stresse un peu, ouais. Il est comme debout, là, il s'assoit pas, puis... Je crois qu'il nous fait un live. Ah! Je crois. Ah, oh, David et ses lives. Je suis pas un expert là-dedans. Donc, vous êtes toujours à une grosse pointe d'adresse, notre émission spéciale où on goûte à des choses malsaines, de la malsaine, oui, de la malbouffe. Malsaine! Donc, les règles, comme on le rappelle toujours, sont de se procurer des produits originaux, donc que les animateurs n'ont pas goûté déjà. Hein? Des choses qui sont faciles à se procurer ou faciles à préparer. Tout à fait. Hein? Et qui sont malsains ou de la malbouffe. Il faut deux de ces trois facteurs-là pour pouvoir participer à l'émission, une grosse pointe d'adresse. Exactement. Hein? Donc, si vous amenez quelque chose de santé, ben malheureusement. Hein? Ça rentre dans deux critères bien spécifiques. C'est ça. Martin Lambert, est-ce que tu vas nous donner... tantôt, je sais qu'on a parlé de salé de ton côté. Est-ce qu'on peut avoir un autre indice pour savoir ce qui s'en vient plus tard? Oui, on peut avoir un indice. Ça reste dans le concept. On est pile-poil dans le concept. On est pile-poil dans le concept. De grosses pointes. Est-ce que tu penses qu'on va avoir pour la première fois de la pizza? Oh! Tu penses? David Ferron, tes théories jusqu'à maintenant là-dessus? Je sais pas si ça va être de la pizza, mais je suis sûr que les ailes de poulet ont de la compétition aujourd'hui. Ah, donc ça pourrait être quelque chose de frit ou de barbecue ou de quelque chose de grillé. Peut-être. On sait pas. Ou quelque chose d'estival. Mm-hmm. Mais je pense qu'avant de se rendre à ce plat de résistance-là, parce qu'on sait qu'on peut garder Martin Lambert pour encore un bon une heure oui. et quart avant qu'il doit partir, donc on va le laisser languir un petit peu dans notre public. On va déguster quelque chose que moi j'ai apporté. D'accord. Parce que David Ferron a amené quelque chose qui apparemment se boit, donc on commencera pas à boire tout de suite. Mais oui, parce que tu sais David nous a vendu le punch avant l'émission. Il me l'a vendu hier et après ça, il est arrivé en studio, il l'a revendu. Oui. Mais vous avez le droit d'avoir des exclusivités, vous êtes mes animateurs préférés. Mais ouais, là, je tiens à dire que ça se peut que David saute un peu partout parce que j'ai cru voir sur son bureau une canette de Red Bull bu. Ah non, t'as pas fait ça, David. J'avais besoin d'être optimal pour être digne de votre dynamisme. Oh mon Dieu, c'est donc gentil. Est-ce que tu continues tes petites pastilles que t'avais achetées pour te rendre plus intelligent au dépanneur? Est-ce que t'as arrêté ça ou tu continues? J'ai un ami qui a acheté ça pis ça dit que ça fonctionne pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis trop intelligent pour ces gommes-là. Ah, c'est ça. Trop intelligent pour faire de bonnes liaisons dans ces mots aussi. Rédacteur en chef de Journalisme Campus. Ça, c'est méchant, Mathieu. Enchaîne. C'est une blague. Il aime ça qu'on rit ensemble de lui. Je sais pas si Martin Lambert a le sens de l'humour. Oui, je pense que j'ai ça. Ils m'ont donné ça en naissance. David est ses parents ont coché humour quand ils l'ont eu. C'est ça. David est allé à l'école du Vox Pop de Guy Nantel. Oui, tout à fait. On devrait poser les mêmes questions. OK, qui a été le premier maire de la ville de Trois-Rivières? Martin. Le sieur de la Violette. C'est pas un restaurant, c'est pas... ça? Hey, tu sais, je me suis posé la question après avoir vu ce Vox Pop-là, ouais. Si on serait capable de répondre au même style de questions, mais par rapport à notre propre ville. Je sais pas, hein? Puis, sérieusement, je savais pas. C'est qui le premier maire de Trois-Rivières? C'est pas quelque chose qu'on t'apprend au primaire? Jamais. David, ta réponse? Le gars qui étudie en histoire? C'est des trucs qu'on n'a pas appris non plus. Ah? À l'université. T'apprends pas ça? Ben, en fait, le programme, c'est qu'on apprend vraiment le monde occidental avec des cours optionnels sur l'Afrique, l'Asie, sa tante. Et après ça, là, ça devient, en fait, deuxième et troisième année, tu apprends à comment être bon dans ta discipline, mais t'as de moins en moins de cours de contenu historique. C'est vraiment de la méthodologie. Je vais vous donner un indice, c'est un nom composé. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? Le sieur de la Violette. Ouais, c'est avec des traits d'union entre les mots. C'est ça, partout, entre les lettres. David? Ben, de la vio, traits d'union, lettres. Eh bien, non, Pierre-Benjamin Dumoulin. Dumoulin? Mais comment ça qu'il n'y a rien qui s'appelle Dumoulin? À part le magasin d'électronique dans le temps? Ben, il y a plein de familles qui s'appellent Dumoulin à Trois-Rivières. Le golf Dumoulin aussi. Hey, David! Oui? Ça te tente-tu d'aller t'asseoir à ton micro? On est quatre, là, tu peux ça. Laisse le micro à Martin, viens t'asseoir. J'aime trop ça, mais oui, je vais venir vous rejoindre. Merci. Quand on aura du public, on ira te mettre dans le... Si t'en as. Si j'en ai. Donc, commençons avec notre premier goûter d'aujourd'hui. On va commencer salé. Je me suis dit que ça commençait bien. Un petit snack, là, tu sais, quand t'arrives dans un party où les gens sont en train d'arriver tranquillement, pas vite. Tu sors quoi? Tu sors les... Chips. Tu sors les chips! Ben oui, tu sors les chips tout le temps. Mon sac était sur la table, personne n'a remarqué, personne n'a crié le mot chips tous ensemble. Mais ma grand-mère était tout le temps prête avec son plat de chips. Ouais, du monde qui arrivait, il était déjà là. Ça devient tout le temps mou quand tu l'ouvres trop tôt. C'est vrai. Fait que nous, l'idée, c'est de l'ouvrir devant le micro magique dans quelques instants. Donc, je vais vous présenter quand même le produit avant ça. Est-ce que vous avez déjà vu, j'imagine que oui, les produits Choix du Président avec des saveurs variées. Tout le monde a déjà vu ça. Tout le monde a goûté au petit barbecue côte levée, fromage bleu et oignon vieilli, cheddar, je sais pas quoi. Il y en a plein de sortes, sriracha, peu importe. Moi, j'ai une saveur que j'avais pas encore goûtée, qui a l'air semi-récente en tout cas, et celle au caritail. Des croustilles au caritail. Au caritail. Ça pourrait être pas pire, ça va être épicé, on s'entend. Oui. Donc, des croustilles ondulées faites avec un assaisonnement au cari aromatique d'inspiration thaï, donc thaïlandaise. C'est des chips ondulés comme on les aime, faites avec un mélange d'assaisonnement au cari aromatique, y compris de la coriandre, du cumin, des piments forts, du curcuma, de la noix de coco et de la citronnelle. Ces croustilles ondulées rendent à merveille un classique thaïlandais, nous dit le Choix du Président. Est-ce que vous avez déjà goûté à cela? Non. Good, on aime ça. Je pense que ça serait pas déjà à la base la saveur pour laquelle j'achèterais un sac de chips. Mais t'aimes pas l'asiatique? Mais oui, mais pas sur mes chips. T'es donc bien traditionnel. J'aime ça dans ma soupe. Tu sais, mon oncle appelle ça de la soupe au mouchoir, de la soupe Hongdong. Oui. Est-ce que t'as ça a l'air de des Kleenex. Oui. Ça vraiment, ouais, la soupe de Kleenex. Ça a vraiment l'air de décliner. David sort les napkins en renversant tous les verres qui avaient rien de bonne chance. Je suis prête pour le micro magique, oui, Mathieu. Les Choix du Président croustillent caritail. C'est tout bon? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Je vais faire attention, pas déchirer le sac comme à chaque fois. Chacun ses talents. C'est ça. Alors, on m'a jamais demandé d'ouvrir les sacs. Oh! Hi! Ça sent quoi, le cari ou le thaï? Ça sent le cari. Je te dirais que ça sent aussi un peu la lime. Oh, ouais. Pourtant, c'était pas dans les 1000 ingrédients mentionnés tout à l'heure. Non, mais il y avait de la citronnelle. Oui. Est-ce que tu sens le curcuma? Est-ce que tu sens les piments forts? Oui. Est-ce que tu sens la coriandre? Oui. Le cari? Oui, tout à fait. Cari, c'est jaune, donc les chips sont jaunes. Ils sont très, très jaunes. Bon. David? David est trop occupé sur le live. Ouais, là. Mets le live dans le sac. Put the live in the bag. Martin va pouvoir s'en choisir un peu aussi. Prends tes grandeurs préférées, mais il y en a mis partout à terre. Tout le temps. Hey, hein? Demandez à David, c'est un vieux couple. Qui fait le ménage dans le couple? Okay. On va arrêter les rumeurs tout de suite. C'est celui qui mange les chips, parce que moi. Hey, si seulement, pas pris? Si seulement t'avais un micro, David, pour parler dedans. Ouais, tu sais, peut-être ça irait mieux. On dirait que je suis pas capable de filmer et parler dans un micro en même temps. Bon, ça ben arrête de filmer. Ben non, c'est trop le fun. On va zoomer sur le sac. Les gens n'ont pas encore vu le foin du sac. Il y a des petites herbes dessus. Ça ressemble à des crèmes sur et oignons qui auraient passé plus de temps dans l'oignon que la crème sur. Ou trop de temps dans la poudre. Ça sent la poudre à ramen. Oh! Oui, j'avoue un peu. Ça sent les ramen au poulet, je pense, qui sortent un petit peu de carré. C'est vrai, ça fait longtemps les ramen au poulet. Hein? Je connais pas ça des ramen au poulet. Il y avait ça dans ton temps, les ramen. C'est la première fois que j'entends ça. Les ramen! C'est bon? Ça, c'est un verbe, moi. Ramène-moi de quoi? Ramène-moi de quoi? Ramène-moi de quoi? Dans les affaires historiques, dans le temps des ramènes. Ramène-moi-en. Let's go au chou, puis du pied. Ah! Jaloux! Tu connais pas Radio Enfer, Martin? Non. Bon. Ah! Ben là, voyons. Mets-toi à jour au goût des étudiants d'aujourd'hui. Tu travailles avec les étudiants, le service aux étudiants, il faut que tu connaisses ça un peu. Je connais pas mal la programmation. Mais il faut que tu connais. Non, mais à VRAC TV dans le temps, Canal Famille. Non, c'est Canal Famille, c'était pas VRAC. Patrouille, es-tu correct, ça? Patrouille, t'as des enfants? Non, mais j'écoute Patrouille. On me garde à jour, on me dit de me garder à jour. C'est un peu inapproprié si t'écoutes Patrouille, t'as pas d'enfant. Mais là, Radio Enfer, Jocelyne, la psychologue, avait toi des expressions, genre que c'est yo dans le cube au dash. Oui. C'est probablement elle qui a lancé le YOLO style. YOLO style, absolument. Probablement. Est-ce qu'on finit par goûter à notre. On va finir par se les mettre dans la bouche. Oui, David, prends-toi en une. Merci. Je vais avoir du curry plein les mains. Du curry plein les mains. C'est mieux qu'un curry que. Ça goûte vraiment la soupe thaï. Ça goûte fort. Le curry. Ça brûle un peu sa langue, hein? Pas vraiment. Je trouve pas? Non. Sur le bout de la langue, moi, ça me pique un petit peu. Oui, moi aussi. Mais ça goûte ça. Mais ça a été tellement bon avec du gingembre. Non, je les aime comme ça. Ben, il y a comme un arrière-goût de gingembre, en fait. La soupe au curry qu'on a en restaurant, tu peux prendre la soupe, je me rappelle pas c'est quoi son nom, là. Thaï. Le phantom. Soupe thaï. Ouais, genre. Phantom. C'est ça, on met les syllabes ensemble, puis c'est à peu près ça. Ça goûte exactement comme cette soupe-là. C'est bon, je dis que c'est bon. C'est très, très bon. Oui. Ça me surprend, en fait. Je croyais que ça allait être vraiment désagréable comme goût. C'est très, très fidèle comme goût. Je suis vraiment surpris. D'habitude, tu sais, ça goûte ce que c'est supposé goûter un peu, mais là, ça le goûte à l'extrême. C'est exactement comme ça goûte dans un restaurant thaïlandais. Tu te dis pas, genre, ah, c'est fade comme goût? Oh non, ça punch, hein? Ça punch vraiment beaucoup. dès la première, aussi que ça touche à ta langue, tu fais comme genre, il y a comme des flashbacks de cette soupe-là. Là. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Qui te monte dans le nez. Chou. Tu sais, celle dans laquelle tu peux mettre du lait de coco. Là. Exactement, celle-là. Mmh. Exactement. Oui. Le petit lait de coco, d'ailleurs, c'est dans les ingrédients qu'on avait dit tantôt. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est. Pas, comment? Le lait de coco goûte pas. Non, ah. Non, peut-être pas, mais il vient comme un petit peu, je pense, adoucir le curry qui serait peut-être trop présent s'il n'y avait pas le lait de coco. J'imagine, je ne suis pas un expert en nourriture thaïlandaise, mais moi, en tout cas, c'est sûr que je mets mon pouce très, très haut en l'air. Pour oui, ça. Moi aussi. Pouce en l'air pour tout le monde. Martin, David. Oui, pouce en l'air. David, ton opinion, tu l'as moins dit que les autres. En fait, moi j'aime ça pour vrai, j'ai l'impression, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on dirait de la vraie nourriture. Vraie nourriture. On dirait de la vraie nourriture. Mais en forme de chip, c'est vrai. C'est vrai. Moi j'ai à dire que David a mis plein de vidéos sur Facebook. C'est une déjà. Patate, c'est fait. C'est une patate. On a eu des réactions. C'est bon pour la santé, c'est des patates. C'est des patates. Ah, les chips, je pensais que tu parlais de David. C'est une patate. Patate. Ben non, c'est une patate de divan. Il aime ça, il est en train de filmer des Facebook Live. Mais c'est le fun d'aller voir sur la page Facebook d'Assemblage Rocky pour nous voir, nous suivre presque en temps réel dans cette émission-là. Presque. Super bon, donc le choix du président. Un monde de saveurs, les saveurs du monde, avec Caritaï. C'est saveurs du monde, hein, je pense que c'est écrit, oui. Caritaï. Voilà. Merveilleux. On va continuer à manger pour le reste de l'émission, évidemment, hein, c'est un party, fait ben qu'on oui. peut se gâter dans les chips. David m'a dit de lui enlever le sac des mains parce que sinon il allait tout le manger. Martin Lambert est venu en chercher d'autres. On attend que les autres viennent à l'émission. On attend des gens qui pourraient venir par surprise d'ici la fin de l'émission. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas disponibles en début, donc on va peut-être arriver à la fin de l'émission. On va essayer de les agripper. Avec l'odeur du curry. C'est ça. Donc quand on arrive à un party d'habitude, bon, on ouvre le sac de chips pour commencer, pour snacker un petit peu. Après ça, peut-être qu'on dit hey, toi, tu prendrais-tu une bière, Et je pense que David nous a équipés en termes de boissons, n'est-ce pas? Qu'est-ce que passe-t-il, David? Vous voulez qu'on boive ça tout de suite? On aimerait ça, je pense. Ben, on serait rendu à ton produit, là. Ah oui, déjà? Ouais, ben on est juste quatre, hein? Oui, on est quatre, c'est ça. Puis, tu sais, il y a moins que rien. T'es cheap! Ah. Ben non, hey, écoute, c'est situation... Ben non, c'est des choses qui arrivent. C'est embarrassant, comme on dit. Mais non, j'ai pas le temps de passer à l'épicerie. Puis Anna n'est plein pendant la session, là. Faut quand même le dire, là. C'est vrai, je tiens à dire, Mathieu était pas là. Ouais. Je pense que j'ai fait une pointe en reste une fois quand t'étais pas là. C'est vrai? Ouais. Bref, David, tu nous as amené quelque chose qui apparemment ne va pas nous saouler tout de suite, hein? Non, en fait, pas du tout, je dirais. J'ai apporté quelque chose d'étrange. Cette chose étrange, on appelle ça... Attendez, vous allez être choqués. Ça se peut que vous voulez renier les gens autour choqués. De vous. Wow. Oui, c'est de la bière sans alcool. Mais ça fâche pas, ça. On aime ça. Moi, j'aime. Ah ouais? Je dois dire que hier, j'ai bu du vin désalcoolisé. Martin? J'en bois régulièrement. De la bière non alcoolisée? Oh, oui, régulièrement. Ah. Et toi, t'as bu du vin? Désalcoolisé. Ça s'appelle du jus de raisin italien. Non, non, non, je dois le dire, c'est un vin normal okay. duquel on a enlevé l'alcool. Donc, il reste un petit peu de pourcentage, mais c'est moins d'1% d'alcool qui reste. Mais t'as quand même ce petit goût-là de vin qui te reste dans la bouche, malgré le fait que, oui, en théorie, c'est du jus de raisin, là, mais ça l'a déjà été à la base quand ils l'ont cultivé puis quand ils l'ont fait. Bien, c'était pour être un vin sur lequel on a retiré l'alcool. J'aime ça des fois parce que, tu sais, t'as pas mal à la tête le lendemain. Ouais. Tu peux boire la bouteille. C'est bon au goût en plus. Oui, ouais. C'est ça. C'est comme du café décaféiné. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi ça existe. Parce que c'est bon d'avoir le goût sans avoir l'effet du café des fois. T'sais. Exact. Est-ce que ça t'arrive du café aussi? Moi, pas décaféiné. Non. Mais autant qu'à boire du café, on en prend du vin. Du vrai. Mais de la bière, par contre, oui, ça m'arrive régulièrement. Je peux en avoir. Oui, je l'achète même la Prohibited là, de Budweiser. Oui. Mais crime, je vais passer au travail de la caisse. Ouais. C'est ça qui est le fun. Tes raisons, c'est quoi? C'est pour le goût? Que t'achètes le goût il est sucré un peu, mais je bois ça avec du jus de tomate. Ah, le Clamato. Ouais, ou Clamato, c'est ça. Mais c'est la même chose que Tania, c'est quand tu te lèves le matin. T'as pas mal à la tête. Exactement. Puis quand tu t'entraînes, ben c'est moins pire de le faire aussi, sans c'est alcool. C'est ça. T'es moins collant dans ta sueur aussi de bière. C'est ça, exactement. C'est moins déplaisant à s'entraîner le lendemain. Ouais. Parlant de Clamato, est-ce que vous avez vu à la télé, on annonce présentement le nouveau. Ben, je sais pas si c'est nouveau, mais le Clamato. Celui au Five. Ouais, c'est ça. Franchise, me semble, c'est-tu? Non. C'est plus Clamato, il y a comme une autre compagnie qui en fait Frenchies. La même qu'ils font de la moutarde. Ouais, c'est ça. Ah oui? Ah non, j'ai pas vu celui-là. Moi, j'ai vu celui qu'ils ont sorti aux fèves marinées, lesquelles on met dans le Bloody Caesar. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui font ça dans les instituts de restaurants. Mm-hmm. Ils mettent des fèves marinées. Hey, c'est excellent, ces petites fèves-là. Faut essayer ça. Mais bref, donc, tu nous as amené de la bière de la marque Grolsch. Oui, exact. Grolsch. Qu'est-ce que c'est? Grolsch. M'excuse. Grolsch, si je me trompe pas, c'est une bière de marque d'origine allemande ou peut-être américaine qui a décidé de prendre un nom allemand. Oui, il faudrait que je fasse des recherches. Mais bon, ce qu'ils disent, c'est que dans une canette qui a quand même une canette 500 millilitres, Il y a 175 calories. Fait que si vous êtes non-alcoolique et au régime, c'est parfait pour vous. Excellent, on aime ça. C'est néerlandais, David. Ah, oui. Excellent. Ouais. T'as fait la même chose que mais moi. Mais pas la 0%. Pas la 0%? Bon, on sait pas. Ils sont pas du genre à boire de la non-alcoolisée. Non, c'est donc, il y a un peu d'alcool, ils disent moins de 0,07% d'alcool. Moins de 0,07, donc ils peuvent arrondir à 0,0. C'est la même compagnie, en fait, qui ferait Heineken. Ah! C'est une radler. Moi, qui connais absolument rien en bière, est-ce que quelqu'un sait une radler, c'est quoi? Oui, c'est bière. Ça. Voilà. Exactement. Radler. C'est un mélange de bière 50-50 entre de la limonade pétillante et de la bière. Oh. Oui, ça le dit dessus, David. Bon. T'as pas lu le petit... Oui, au citron. J'ai vu le citron, il m'a dit de la bière au citron. En fait, c'est brassé avec du vrai jus de fruits. Ouh! Ouais. Et non pas des arômes artificiels. C'est ça, on n'aime pas ça, les arômes artificiels. Il n'y a pas de sucrose là-dedans, là, rien pour le sac à... Mais là, je comprends que ça ne rentre pas dans le concept de l'émission parce que c'est santé. C'est ça. Ben, pas d'alcool, on fait des arômes naturels. Mais on n'y a pas goûté, on y a pas goûté, c'est facile à se procurer. C'est ça. 2/3, on aime ça. Ben, ici, en fait, c'est pas vraiment santé parce qu'il y a quand même 30 grammes de sucre. Dis-le pas, tch! Fait que c'est juste pour dire à quel point c'est pas si santé que ça, donc je suis correct. Et voilà. Je respecte les deux autres critères qui étaient pas trop compliqués et jamais présentés avant. Tu respectes les deux autres crétins. Et comme on est trois gars de filles, ben, c'est ça. Si on s'identifie. La fille s'accorde avec le masculin, c'est un masculin, fait que c'est... Misogyne. Mais non. Ouais. C'était en train de le dire, là. Ben non, mais je t'explique. Veux-tu que t'es aussi... m'accorder ça, mon gars? Je t'explique que t'es aussi crétin que Mathieu. Ouais, c'est ça, je te dis, je suis égalitaire. J'ai pas donc, je crois à l'égalité des sexes, donc t'es aussi crétin. Mais Martin est moins crétin que les autres parce que c'est une figure autoritaire. Non, pas autoritaire. Martin ne veut pas être autoritaire. Non, il est proche des jeunes dans le dash, yo, full au cube, comme dirait Jocelyne. Ouais. Donc, David, tu nous as amené, je pense, le nombre de verres du nombre de gens qui seraient supposés être là. Ils n'ont pas le nombre de bières pour faire ça, c'est le nombre de gens. Hey, c'est quand même bien, juste pour entrer sur le site de la compagnie Grulch, vous devez absolument comme remplir votre date de naissance pour être sûr que vous avez bien 18 ans. Et tes passe-temps, tes jobs entre 1990. Et ton adresse courriel. <C'est ça. rire> Et ton numéro d'assurance sociale. Oh, et liker la page. C'est ça. Bref, donc on a des verres, on va pouvoir chacun goûter ça dans notre propre petit shooter de Grulch Radler non-alcoolisé. C'est citron et bière. Je veux dire, vous êtes très intelligent. Raisin intelligent. Ah, c'est vrai, c'est moi, c'est devant un micro magique. Raisin, excusez. Ça vaut pas cher. Je me demandais pourquoi David me l'a donné. Je suis là, ben fais-le. David, il veut pas faire de gaffe et c'est complètement compréhensible. Comme une vraie bière. Comme une vraie. Ça pétille autant. Oh, ça sent bon! Le citron? Ça sent le citron. Est-ce qu'elle est froide? Ouais. Oui, elle est très froide. Il l'a mis dirais. Dans un cooler, je pense, David. Oui, oui, exactement. J'ai mis ma glacière dans ma boîte à lunch. T'as oublié de verser dans le micro magique, Tania. Ah, excusez! Mais ça sent pas le... cher. C'est parce que je voulais pas sa face de d'éclaboussure. Et voilà. Premier verre à Martin. Elle a rempli ça, là, rabat. Hein? J'ai besoin d'un autre petit verre, David. Goûte pas de suite. Non, je veux pas de suite, mais je peux sentir. Oui, oui, oui. Merci. Ça sent pas le pain. Pendant que Martin sent, je vais verser. J'ai hâte de goûter. J'aime le bruit. Oui. De la broue, évidemment, tu sais, c'est une bière. Oui. Il est vraiment pas fort sur le passage de verre, David. Ouvre-en un autre, David. On va en manquer. C'est vrai, je le sens même le citron ici, dans David, mes nez. David, je vais te laisser aller le mener à Mathieu. Oui, l'autre côté. L'autre côté. Par l'autre côté. Merci. On est tellement prudents. Je m'en vais. Et je vous dirais même que ça a l'allure un peu d'un thé glacé lorsqu'on le verse. Ça a vraiment comme la couleur d'un thé glacé maison. Ça sent comme un cooler, non? Ça sent la limonade. Oui, vraiment. On va voir, c'est pas alcoolisé, on l'a dit, donc c'est un mélange de goût de genre de bière avec limonade. Oui, c'est ça, j'ai dit c'était glacé, mais limonade, pardon. Ben ça ressemble pas mal. Est-ce qu'on est prêt à... Ah, je suis prête à goûter, mon gars, je suis prête à toute la boire. C'est la couleur de la bière, c'est la couleur de la bière, dit Martin. Ça sent bon. Chin. On y va, chin. Cheers. Ah, c'est bon. Pas mauvais du tout, ça. La bière est pas trop forte parce que j'aime pas. Elle goûte pas. Tant le goût de la bière, elle goûte pas. Ça goûte plus le thé glacé, oui, pour vrai. Ça goûte plus la limonade. Oui, ouais. Aussi. Mais j'aille pas. C'est vraiment rafraîchissant. Hein. Mm. Moins bon avec du tomate ou du clamato, hein. Oui, probablement. Oui, ça, c'est sûr. Mais avec une tranche d'orange dedans. Ah oui? Ou une tranche de citron. Oui. Ouais, comme une O'Garden dans ce style-là. Oui. Qu'est-ce que David fait? Bon, David va aller chercher une orange. Il est pas sérieux. Il va vraiment faire ça. Et oui, il fait ça. Il est parti à la chasse garée, je pense. Il est fou comme un balai. Fou comme un balai, on peut pas le retenir. Oui, c'est bon. On va avoir le goût des mains. En bateau, on the beach. On the beach! Ouais. Moi, ça se cale vraiment. C'est ambiance estivale. Tu sais, des fois, là, l'été, là, tu viens de terminer soit un deck de piscine. Ouais. Tu viens de faire beaucoup d'exercices à l'extérieur. Oui. Puis t'as soif, là. Ouais. T'as très, très soif. Soif. Exactement. Soif. Au lieu de te caler une bière avec alcool, commence avec une bière sans alcool. Ou ta petite radio, là, c'est fou 89.1. Exactement. Écoute, Assemblage Rocky, bois de la bière à l'heure. C'est en canette. On goûte pas la canette. Non. Des fois, il y a des trucs, tu sais, qu'on aime moins en canette. Ça doit être meilleur, plus froid encore, parce qu'elle est fraîche, là, mais si elle était plus froide, là, ce serait encore meilleur. C'est vrai. David, amène un frigidaire, amène de la glace. Oui. Amène-en d'autres. Il va avoir le temps d'arriver avec les oranges et on va avoir terminé nos verres. C'est qu'il est fun. Il y en a d'autres dans son petit sac. Il y en a d'autres. Le vin sans alcool dont je vous parlais tout à l'heure, là, si jamais ça vous intéresse, c'est le vin Saint-Régis. Okay. C'est un Shiraz, puis c'est vraiment ça qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé l'alcool qui était dedans. Donc, il reste quand même, comme je le disais, un petit peu de pourcentage d'alcool, mais ça dépasse pas le 1%. C'est bon. Oui, c'est quand même bon parce qu'on on sent ce petit goût de Shiraz-là. Okay. C'est un vin rosé, mais vous avez aussi l'option vin blanc et vin rouge. Donc, ça, on adore ça. Il y en a pour tous les avec goûts. Mettons une palette de steak ou avec du poulet. Oui, avec du poulet ou un saumon aussi. On goûtera pas, on se sentira pas dénaturé par... C'est ça. OK, ah, c'est bon ça, je vais essayer ça. Oui, c'est très le fun. Génial. Voilà, donc je pense qu'on a terminé pour cette dégustation-là. Moi, je donne un... Là, pas, David, pas déjà. Ouais, pas déjà. Un pouce en l'air pour moi. Pouce en l'air, moi aussi. Oui, moi aussi, pouce en l'air, c'est bon. David, j'imagine, ça donnerait un pouce en l'air aussi. Surpris quand même. Probablement. Une petite pièce. Après ça, je pense qu'on va être rendu à goûter probablement avec Martin son... Mon concept. Mais avant ça, on écoute la police des mœurs. De? C'est le nom du groupe. Oui. Et comme on parle de bière, ça va être l'heure bleue, comme dans la bade bleue. La bade bleue. J'ai essayé de faire un lien, mais ça sent bien. Police des mœurs, ça assemble à Jouquille. C'est une grosse pointe d'adresse. Mais c'était foulé. Police des mœurs avec Heure Bleue, Assemblage requis. Au retour, Martin Lambert et... On parle de terrasse en Mauricie. Aïe aïe, Assemblage requis, c'est une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours dans une grosse pointe d'adresse, le potluck numéro 2 d'Assemblage requis, toujours avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. On a toujours David Ferron. Salut. Et on a Martin Lambert. Encore là. Oui. Martin Lambert qu'on a rapproché de nous un petit peu. Il était loin un peu. Qui est plus en public et il est rendu à la table avec nous, c'est malade. C'est faut le voir pour le croire. Il faut dire aussi qu'on a ajouté une tranche de citron, comme on disait, oui, qui serait très bon dans notre bière désalcoolisée. Et ça fonctionne. Et c'est très bon. On aime ça aussi, ça rajoute un petit quelque chose, encore plus. Avant de continuer avec le plat de Martin qui nous a préparé, qui est dans son petit sac, hein, qui nous réserve pour tantôt. Tania, tu voulais nous parler de quelque chose qui a rapport avec la bouffe. Eh bien oui, que ce soit la bouffe ou encore boire, des fois, on se dit qu'on aimerait passer l'après-midi sur une terrasse quelconque. Puis en Mauricie, ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. C'est sûr que si vous allez sur la rue des Forges, déjà en partant, vous avez pas mal beaucoup de terrasses qui sont à votre disposition. Mais il y a quand même des endroits qui sont un petit peu cachés dans la Mauricie qui peuvent peut-être être très, très le fun, où vous pouvez flâner pendant une bonne après-midi avec des amis ou tout simplement seul en lisant un livre. Et c'est pas quelque chose qui va être mal vu par les gens qui vont avoir les institutions, parce que c'est un petit peu ce qu'ils recherchent pour la saison estivale, c'est d'avoir des gens sur leur terrasse. Et une de ceux que je veux vous présenter, bien, elle est sur la rue des Forges. L'entrée est sur la rue des Forges, mais vous n'allez pas voir la terrasse automatiquement parce qu'elle est dans la cour. Oh. C'est la suite 60. C'est une des plus belles cours arrière de la rue des Forges. On l'a aménagée de façon très sophistiquée. C'est rempli de verdure et on a aussi fait un décor qui est idéal pour des rencontres entre amis ou encore des réunions d'affaires. Tu sais, des fois, tu te dis sur l'heure du dîner, bon là, il faudrait que j'aille, je sais pas moi, rencontrer mon comptable. Martin s'entraîne sur l'heure du midi. C'est ça, exactement. Oui, il faudrait que j'aille rencontrer mon comptable, mais j'aimerais ça avoir une petite bouchée sur une terrasse en même temps, fait soleil, tout ça. Eh bien, c'est le genre d'endroit où que c'est quand même très, très le fun. Puis, vous allez aussi pouvoir admirer les œuvres d'art de certains artistes de la Mauricie qui vont être exposés sur la terrasse. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est pour les gens qui ont peut-être un petit côté plus artistique, parce qu'à la base, la suite 60, bien, c'est une galerie d'art où on sert justement des boissons, certaines hors d'œuvre et des cafés. Donc si c'est juste pour un café, parfois, tu te dis, j'aimerais ça voir un ami boire un café sur une terrasse avec cette personne-là. Mais tu te sens pas super à l'aise de flâner au Morgane, des fois. Bien, une terrasse, parfois, en plein milieu, un dimanche après-midi, bien, c'est beaucoup plus le fun. Absolument. Donc, la suite 60. Par la suite, on a le Boc, qui est le restaurant maintenant, qui est un petit peu plus loin sur la rue Saint-François-Xavier. Et là aussi, on a aménagé une terrasse qui est exceptionnelle. C'est une cour arrière, en fait, qui est immense. Ouais. Et ça, on va avoir un style qui va être pergola. Donc, vous allez avoir beaucoup d'ombre. Pour les gens qui aiment les terrasses, mais qui n'aiment pas nécessairement cramer au soleil, là, bien, c'est un petit peu, justement, l'idée qu'on a derrière tout ça. Puis, on a de la verdure, bien évidemment, qui va être autour pour vous amener ce petit côté-là d'être un petit peu camouflé dans la nature. Et c'est la mission aussi du nouveau restaurant Le Boc de revisiter l'art de bien boire, bien manger, les produits qui vont être locaux, donc des produits de la Mauricie. On va vraiment aller chercher tout ça et c'est sûr que vous allez avoir quand même le côté pub qui va être resté de l'intérieur du restaurant jusqu'à l'extérieur sur la terrasse. Donc parfois, si vous êtes du style pub, micro-brasserie, prix. C'est probablement le style de terrasse que vous allez apprécier d'aller passer. L'ancienne Piazza. Exactement. Ou Piazza, ou je sais pas. Oui, Piazza, Piazza. Non, c'est parfait comme place en plus. Oui, oui, oui, vraiment. On parle aussi de gastronomie. Donc, si jamais vous voulez certaines petites entrées et tout ça sur une terrasse comme celle-là, c'est vraiment très, très plaisant et très, très beau aussi, cette terrasse-là. Près du Palais de Justice. Oui, tout à fait. Il y a aussi le Café Frida. On connaît le Café Frida parce que c'est une des seules places où on a un menu 100% végétalien à Trois-Rivières. En fait, en Mauricie, pas juste à Trois-Rivières, mais en Mauricie. Et on travaille, bien évidemment, avec des produits qui vont être locaux de saison. Mais si vous vous rappelez bien, le Café Frida, c'est au coin de Desforges et la rue dont je me souviens jamais. Notre-Dame. Notre-Dame, exactement. C'est vraiment bien placé. C'est en plein au coin, le chagot de la rail, du rail de chemin de fer. Bien, c'est beau, là. C'est ça. C'est si vous voulez avoir une vue sur le fleuve, le port, c'est vraiment la terrasse de la rue des Forges que vous devez aller vous rendre, en fait, parce que vous allez vraiment avoir une belle vue. Vous allez pouvoir prendre un verre aussi parce qu'il y a des vins d'importation privés au Café Frida. Ah. Vous allez aussi avoir des cafés spécialisés qui accompagnent super bien les repas qui sont de style végétalien aussi. Et peut-être, parfois, c'est juste l'expérience que vous voulez avoir. Vous n'êtes pas trop style végétalien ou trop style, justement, légumes dans la vie, mais vous avez un de vos amis qui aime ça. Bien, ça va peut-être être la chance cet été d'aller sur la terrasse puis de pouvoir visiter ce style culinaire-là que vous ne connaissez pas nécessairement autant. Si vous parlez, qui parlait? C'est Martin? C'est toi? C'est David? David? Ben, en fait, c'est juste pour dire, en plus, c'est l'ancien restaurant d'Alton qui oui, était oui, là. Oui, exactement. Avec le balcon surélevé, donc la vue est encore meilleure. Oui, tout à fait. Puis on a aussi revisité, parce que le Dalton, il y avait une grande toile au-dessus de cette terrasse-là. Ça coupait un petit peu du soleil et tout ça. Eh bien, on en a coupé la moitié. On a l'option d'être vraiment au soleil maintenant ou à la moitié à l'ombre. Donc, les gens, vous avez quand même le choix de pouvoir soit vous faire cramer, vous faire bronzer là, ou tout simplement rester à l'ombre un petit peu. Les deux prochaines dont je vous présente, c'est des endroits qu'on penserait peut-être pas à aller pour une terrasse. La première, c'est au Salon de jeu de Trois-Rivières, au deuxième étage du Salon de jeu de Trois-Rivières. C'est idéal pour des 5 à 7. Donc, si vous avez, par exemple, des parties de bureau à organiser ou encore des petites soirées branchées entre amis, bien, c'est possible de le faire sur une terrasse qui va être surélevée. Et souvent aussi, ce que vous allez avoir comme option, c'est d'y aller sur cette terrasse-là quand il va y avoir des courses de chevaux. Ben oui. Donc, c'est vraiment le fun, c'est plaisant. Puis, en plus, vous allez avoir un meilleur angle de vue et vous allez avoir, bien évidemment, une vue panoramique de tout ce qui se passe autour sur le terrain de l'exposition pendant ce temps-là. Non. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore un restaurant? Non, c'est fermé, un restaurant. Le restaurant est fermé, mais la terrasse est toujours en service. Ça, il faut le comprendre. Pour l'alcool. Parce que, exactement, il reste le bar quand même. Puis, la dernière place que je veux vous présenter, là aussi, on serait du genre à dire « Ah, il y a une terrasse ». C'est Borealis à Trois-Rivières. Situé à même le musée. Oui. Et c'est la terrasse qui s'appelle au Confluent. Donc, c'est un endroit qui est magnifique. Tout à l'heure, on parlait de la vue au Café Frida sur le fleuve Saint-Laurent. Bien là, on est à bord du fleuve Saint-Laurent. On a une vue exceptionnelle sur le fleuve. Et c'est bien évidemment en plein milieu d'un décor qui est moderne, qui est charmeur, qui est chaleureux aussi parce qu'on est à Borealis. Et la terrasse est aménagée. Donc, vous pouvez déguster des sandwichs, des salades ou encore des produits du terroir québécois et tout en prenant un verre avec certains amis ou certaines connaissances. Je rajoute le Borealis. Il y a même des soirées musique. C'est vrai? Oui, tout à fait. Soirée musique qui, je pense, la programmation est sur le site de Borealis et tout ça. Les matchs d'impro, des fois, à Borealis. Oui, c'est le genre d'endroit que tu te dis « Hey, j'avais pas pensé aller là, mais finalement, je pense que j'allais faire un tour. » Oui, c'est bien, c'est vrai. Pas pire, ça. Voilà. Moi, j'ajouterais le temps d'une pinte. J'aime bien la terrasse du temps d'une pinte, ce jour le fun, avec c'est le petit feu et tout ça. Là aussi, elle est à l'extérieur. Elle est comme cachée, en fait, de la rue principale. Absolument. Plus à l'ombre, par contre. Oui, c'est vrai. Un peu plus, Mais j'aime ça. C'est confortable. Mais c'est le style de bière microbrasserie, vraiment, qui est fait par les brasseurs de bière qui sont là. Donc, c'est le fun de toujours pouvoir découvrir de nouvelles choses. Cool. Merci, Tania. Fait plaisir. Super, ça. Ouais. Maintenant, je pense que ça va être le moment de passer à Martin Lambert. Martin, avant qu'il soit obligé de partir. Colin. 3h15, il est 3h10. Puis je me suis dit, on va partir à ça. Donc, t'as ta boîte à lunch avec toi? J'ai ma boîte à lunch qui date de une quinzaine d'années. Le prix de l'âge. Alors, c'est un concept. Alors, on est dans un concept potluck. On est dans un concept grosse pointe all dress. On est dans un assemblage requis. Mm-hmm. Tu sais, il y a un concept à travers ça. Je suis content, on est quatre, on va pouvoir manger plus, goûter les autres. Plus parce que je l'ai calculé à quatre et non pas à à plus, mais ça pouvait être rose à faire. Alors, comme on a un concept, puis là, bien sûr, faut pas. Et là, j'ai rejoint tous les éléments du concept et tous les éléments. Alors, c'est une pizza. Ah! Oh! Oh! Là, Mathieu l'avait vu venir. Oh, froide, par contre, parce que. Ah, mais de la pizza froide, oui, bien c'est souvent, bon. C'est exactement. Bon. Alors, assemblage requis, une pizza, c'est assemblage requis. C'est parfait quand t'as bu de la bière, là. Tu sais, t'es oui, dans le même c'est vein, ça. Pizza. Alors, assemblage requis, c'est parfait pour assemblage requis. Et c'est une grosse pointe Aldresse. Alors, est-ce que t'as fait ça toi-même? Ben, en fait, Hulaide. Hulaide de? Bon, d'un président. OK. Un président. Ah, d'un président. D'un président. D'un président ouais. De Trump. CA ou ouais, de non, Trump. Non. Est-ce qu'il fait des choix, ce président? En fait, oui, mais c'est maison. Ah, OK. Maison. OK. Quand même. Donc, votre propre pâte, là, vous avez fait une pâte non, à la main? Non, quand non. Même pas jusque-là, mais c'est des aliments du choix du président, okay. Mais fait maison. Ah, OK. C'est pas on fait industriel. Ça. C'est cool. C'est pas fait industriel. Qu'est-ce que t'as mis dessus? Aldresse. Donc, piment, tomate? Piment, tomate. Non, pas de tomate. En fait, c'est Aldresse dans son plus simple appareil, c'est-à-dire pepperoni, fromage, champignons, piment. Beaux champignons. Exactement. Mais ils paraissent pas. On les voit pas. On y goûte pas non plus. Juste pour faire la parenthèse, Martin me regardait moi qui est d'un côté. Tania est derrière lui. Oui. Et il a quand même remarqué dans la face de Tania qu'elle aime pas les champignons. C'est plus dans son rire. Dans son rire, OK. qui venait de dire oh, champignons, mais ils paraissent pas. Ouais, dans le fond, c'est juste un mot. Les champignons, on s'entend pas. Oui, ils l'avaient pas dit, c'était impossible. Mais c'est ça. Alors, on va fermer les yeux. Je vous offre. Je passe le... Mais en attendant, Tania, fais-nous une face avec champignons. Les champignons, là, dans la vie, là, la texture, le goût, ça fit pas avec moi. Pour mais toi. En plein milieu d'une pizza, je dois avouer que bien souvent, ça va passer un peu plus inaperçu. Ouais. Puis là, il y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Là. Non. David est en train de faire un live à l'intérieur du sac. Ça y est, pas le sac. Là. Prends une pointe. Là. Eh hey boy, David. Son téléphone va être gras. Ben non. Hey, on a vraiment une grosse pointe chaque. Oui, ben c'est ça. Une grosse pointe. Aldresse. Exactement. Hey. C'est un concept. C'est comme tu sais dans les films, là, tu sais, où genre, à un moment donné, le personnage dit le nom du film, tu fais comme genre. Wow. C'est la même chose. C'est là. Vrai. C'est elle le nom est de la froide. Chronique. Elle est froide. C'est le seul. Tu vois pas la même chose. Pour l'odeur, ça sent la pizza. Moi, je sens un petit peu les. Les piments. Les piments en premier. C'est drôle, j'allais dire aussi les piments en premier. Est-ce que c'est parce que t'as mis beaucoup de piments ou parce que tes piments sont non, très, très non, non, non, mais en fait, connaissant pas la, le goût des gens. La alors, capacité à... Non, mais le goût des gens, parce que normalement, je mets des olives, ouais. Je vais mettre des cœurs de palmier. Cœurs de palmier, oh. Oui, oui, je vais rajouter des pointes d'asperge, mais là, j'ai fait ça Aldress dans son... quand les Romains l'ont fait, ils l'ont fait comme ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Ça a été inventé de même. Alors, j'ai essayé de respecter un petit peu plus les goûts des gens. Oui, ça sent très bon. Elle est très mince, en croûte mince. Ouais, ouais, ça devrait être croustillant, je pense. Oui, c'est plus... moins bourratif. Moins oui, c'est vrai. On essaie c'est plus ça. Facile sur l'entraînement le lendemain, c'est avec... Voilà, une bédaine qu'elle a dit. C'est ça, c'est pour aller avec la bière sans alcool à Martin. Comment Martin arrive de là ce midi en plus s'entraîner. Oui, c'est en plein ça. OK, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. OK, je vous suis. Nom, nom, nom. Très bon. Ouais. Ouais. Moi, là, je trouve qu'une pizza froide, ça ressort. Bon. Ouais. C'est très bon. Quand je la mange, parce que ça, je mange ça tout seul, là. Pas 10 pouces, pas tellement gros. Non, en effet. Je vais rajouter des piments forts jalapenos. Ouais. Là, oui. Juste pour donner un goût plus fort. Là. C'est quoi ton fromage? C'est pas du mozzarella. C'est du. Pas Tex-Mex, mais c'est 4 saveurs. Là, ouais. Parce que ça goûte pas le fromage mozzarella c'est classique. Vrai. Il y a un petit okay. Quelque chose de plus. 4 saveurs, là, c'est. Mozzarella, c'est de me souvenir des autres. Là. On ne pourra pas nommer les autres. J'espère que David n'a pas fait une vidéo de moi en train de croquer dans la pizza. Sûrement. Oui. C'était trop terrible. Tentant. Ben oui. L'as-tu déjà passé, toi? Oui. Oui, hein. Je vais me venger un jour. Ah, tu le fais déjà. Je vous le promets. Ah, je le fais déjà. Bon, ça va bien. J'aime ta quantité de pepperoni. C'est le fun. Ouais. Ben, non, mais comme je vous dis, c'est plus léger parce que connaissant pas le goût des gens, il faut garder ça un petit peu plus dans la norme, mais. Je vais rajouter 2 épaisseurs, 3 épaisseurs de pepperoni. Souvent, je vais rajouter 3 sortes de pepperoni. Chorizo, pepperoni, puis je vais mettre du pepperoni piquant parce que j'aime ça épicé. Puis, c'est que la pizza est un peu plus épaisse, plus de sauce aussi. Fait que là, je garde ça un peu plus... Ta sauce, c'est quelle sorte de sauce? Gattuso. Gattuso! Ben oui! C'est ça le goût, hein? Ouais, hein, Gattuso, là. Des petites sauces à pizza. Ta part, c'est un pain pita, c'est quoi? T'achètes ça, c'est le choix du président. Choix du président? Ils sont prêts, t'es prêts, puis... Super. Non, faut le dire aux auditeurs, si des fois ils veulent reproduire la recette, tu comprends, Il y a des croûtes minces carrées là, qui sont excellentes aussi. Mmh. Mmh. Excellent. Moi, c'est du style à rajouter beaucoup de légumes sur mes pizzas. Ben ouais. En faire comme une espèce de pizza végé, là. Ça, là. Ce qu'on n'aime pas des pizzas congelées souvent, c'est qu'il n'y a pas assez de fromage. Et je trouve que tu as mis une bonne quantité de fromage. C'est souvent ça qu'ils mangent. Mais pizza congelée, des fois, je rajoute du fromage. Tout est léger parce que c'est vraiment surplus. Quand je le fais pour moi, là, c'est... il y a plus de tout. Là. Mmh. Bon. On aime ça? Très bon. Tout le monde est d'accord? Mais oui. Mais aussi. Pas salaire. J'ai déjà essayé de quoi à un moment donné? C'est pizza fromage bleu, mais avec tomate. Mm. Ça, ajouter ça, ça donne une belle petite cuisse. Puis tu mets un petit peu de chèvre. C'est un fromage qui ne font pas rapidement ou qui font pas. Ah oui, ou du gorgonzola. Ou du Don Rémy, là. Oui. Ah, c'est vrai. Ça ne font pas, ça donne un autre saveur. C'est... Ah oui, fromage fait. C'est de pizza. C'est vrai. J'aime bien du pesto dans de la pizza aussi, ouais. C'est bon. Ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la pizza. Merci beaucoup, Martin. Un plaisir. C'est super, ça. Tu restes avec nous jusqu'à tout à l'heure. David, t'allais dire? C'est très bon. Très bon. On arrive juste à temps pour que tu ouvres la cadette dans ton micro. Oh, voilà. Toujours à une grosse pointe d'adresse, l'émission spéciale, le buffet tout garni. Tout garni en dresse, là. On vient de terminer notre pointe. Tania Baudin. Mathieu Plante. David Ferron est toujours là. Martin Lambert. Présent. Ouais, on n'a pas présenté Martin Lambert comme officiellement du service aux étudiants. Non, c'est vrai. Et de, c'est quoi ton poste officiellement? Conseiller à la vie étudiante. Conseiller à la vie étudiante. Ouais. C'est pour ça que Laetitia aujourd'hui, tu sais, on a une vie étudiante en étant plus étudiant. Oui, c'est ça. Personne dans la gang ici est étudiant. Mais on a tous fini. Les auditeurs le sont peut-être. Peut-être. J'espère bien. David Ferron, qui est rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui nous tient compagnie aussi et qui nous a amené tellement de bières qu'on a pu se faire un troisième service. On est tous sous en studio. Non, c'est pas vrai. On tient. On est sous groupe. C'est ça. On tient à rappeler qu'elle est sans alcool. C'est de la grolche sans alcool. On a aussi goûté à la pizza de Martin Lambert. Jusqu'à maintenant, on a goûté à des chips au curry. Il nous reste encore plein d'autres produits. Moi, en tout cas, j'en ai en réserve dans mon sac. C'est vrai. Ça va être cool. On a aussi des nouvelles de fast-food qui s'en viennent plus tard. Mais pour l'instant, Tania, on va parler un petit peu de slush alcoolisé. OK, oui, parce que, tu sais, bon, là, on a goûté de la bière sans alcool. On va se le dire quand même, de boire un verre une fois de temps en temps avec beaucoup d'alcool à l'intérieur. Bien, c'est toujours plaisant, tu sais. Puis qui dit été, dit chaleur, dit excuse pour boire. Êtes-vous d'accord? Oui! Oui, d'accord. Donc, j'ai une recette pour vous de sangria, attention, en slush, qui va devenir probablement une de votre meilleure amie pour l'été parce que c'est facile à faire, facile à se procurer. Et bien évidemment, c'est pas santé parce qu'il y a de l'alcool dedans puis il y a plein de sucre. Les trois facteurs de l'émission. C'est ça. Mais rappelez-vous quand même que c'est fait à partir de vrais fruits. Donc, il reste quand même un petit côté santé dans tout ça. Mm-hmm. Vous pouvez vous sentir moins mal de boire beaucoup de sangria cet été. C'est quand même une recette qui est parfaite, en fait, pour avoir un compromis entre deux drinks d'été qui sont par excellence, qui est la sangria, bien évidemment, et la slush. Qui d'entre vous a... genre une rage de slush en plein milieu de l'été, ça vous arrive-tu? Oui, vraiment souvent. Martin? Ben moi je suis pas très sucré. Ah c'est vrai, lui il est salé. Mais très rarement de la slush. Ouais. Une rage de bière par exemple. Une rage de bière, hein? Mais ben, la bière en slush. C'est ça. Ben oui. Mais là, au congélateur, tu vas voir, ça peut devenir de la slush. Bon. La sensation de la glace dans la gorge en petit copeau, là, j'aime bien ça. C'est ça. Mais c'est donc, vrai que c'est bon. C'est comme une recette santé de sangria et de slush que je vous propose. Parce que, bon, tu sais, des fois, c'est le fun de se déculpabiliser un petit peu, de boire, de passer notre été à boire. Donc, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On parle de 6 tasses de melon d'eau. Donc, vous pouvez soit les acheter déjà coupés ou tout simplement vous acheter un melon d'eau puis faire 6 tasses de melon d'eau avec ça. Ben trop de job. Vous allez faire des pipes. C'est vous gros, allez faire des pipes. Après, okay. T'entraîner, Martin, le midi. Moi, je cours de la course à pied. Exactement. Ben, faites comme moi, échappez le melon. Ah, c'est vrai. Par la suite, ça va vous prendre un quart de tasse de sucre, une cuillère à thé de jus de citron qui va être frais. Là. Ça vous prend un citron, un vrai. On veut pas du jus de citron en que t'achètes à l'épicerie. Là. Ça, c'est pas la même affaire. Non. Ça n'a pas le même goût. C'est bon en dernier recours sur du poisson. Là, exactement. Ça va... Et par la suite, ça va vous prendre, eux, ils disent une tasse de vin blanc. Mais si on met 6 tasses de melon. C'est ça. Mais si on met 6 tasses de melon, je dirais que vous pouvez aller vers 2 ou 3 tasses de vin. J'aimerais ça que vous voyez le visage à Tania quand elle dit 2 ou 3 tasses. Ça dépend comment vous aimez le vin, tu sais. Puis on essaie d'y aller avec un vin blanc qui est de type Moscato. Donc, si vous connaissez un petit peu les vins, bien le Bear foot blanc, ouais, style moscato. C'est un des favoris pour ce genre de recette-là parce que ça va être quand même dans le style fruité. Mmh, sucré. Et ça, ouais, sucré, ouais, aussi. Ça sera pas trop sec dans votre sangria, mais vous pouvez bien évidemment l'adapter à votre goût. Si vous vous êtes du style à boire du vin qui est pas mal plus sec, bien allez-y vers un vin blanc pas mal plus sec. Puis avec le sucre et les melons d'eau, déjà, ça va adoucir tout ça dans votre sangria. Tu peux garder ça, tu peux mettre une cerise là-dedans. Ben oui, clairement. Quoi, donc, c'est extrêmement facile. Ce que ça va vous prendre, c'est, faites attention, là, ça va, c'est votre petit blender. Évidemment, si vous mettez 6 tasses de melon d'eau là-dedans, ça va vous en prendre un grand. Votre donc, magique boulette, là, ça fera pas la job. C'est ça. non, c'est ça que je voulais dire. Je voulais pas le nommer, mais... Ça prend un vrai blender. C'est ouais, ça. Donc, vous allez mélanger les morceaux de melon d'eau, le sucre et le jus de citron jusqu'à ce qu'il y ait une petite consistance lisse, là. Par la suite, vous allez passer tout ça dans une passoire pour retirer, bien évidemment, les pulpes du melon d'eau et les petits grains, des fois, qui peuvent rester comme ça. Et vous allez mélanger tout ça au vin. Là, on se rappelle qu'il avait dit une tasse, mais tu sais, hein, il avait dit... grosse tasse. Même visage que tout à l'heure. Puis vous allez mettre tout ça dans un pichet avec de la glace. Et attention, lorsque vous êtes prête à le consommer, vous allez passer rapidement deux morceaux gelés dans un malaxeur parce que vous allez faire congeler votre, recette. Et vous allez passer deux morceaux ou plus, tout dépendant de comment vous voulez de sangria, dans un malaxeur en y mettant juste un petit peu plus de vin. Ça fait un petit peu de jugo de s'ils font ça, là, des fruits congelés en sac qui viennent domper dans leur ninja blender. Oui, ça vous prend un ninja blender de même. Là. Puis par la suite, faites attention, passez-le pas trop rapidement parce que ça sera plus une slush. Mais non, ça va devenir liquide. C'est ça, donc allez-y tranquillement. Tu sais, des fois, t'as juste le bouton pulse. Ouais. Pulse! Pulse! C'est ce qu'il faut, là. Vous pulsez sur le malaxeur pour pouvoir faire votre recette. Et par la suite, bien, vous le versez dans des coupes à vin. Vous allez décorer à votre goût un petit peu de menthe, des fois. Ah. Vous allez pouvoir ajouter des feuilles de menthe à tout ça. Ça vous donne un petit goût frais. Et puis, vous restez au soleil, vous pavanez ou peu importe. Et ça va vous donner un petit slush. Si t'as le petit ninja avec une poignée, tu peux boire à même le blender. Si aussi. Ça, ce serait mon genre. T'enlèves le capuchon. Tu sais, t'en restes dans le fond, là, pis tente pas de le vider. Miam. Donc, du barefoot, c'est super bon déjà à la base. Fait qu'imagine en slush avec du melon d'eau. Ça a l'air bon, ça sent bon. Oui. La recette, là. Tout à fait. Merci, Tan. Fait plaisir. Merci. Yeah, go. Donc, on va se quitter là-dessus. C'est tout pour cette édition spéciale d'Assemblage requis. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci, Mathieu. Merci à toi, Tania. Merci à David Ferron. D'être resté. Ben, merci de m'avoir invité encore une fois. Ben, merci. Ça fait plaisir. Ben oui. Et merci à Martin Lambert qui a passé une bonne grosse partie de la journée avec nous, malgré ses réunions et tout. Bye, tout le monde. Bye. Bonne semaine.